spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le 25 août, l'avant-dernière émission de la QV 2016, on se prépare tranquillement à déverser celle de 2017. Mais avant tout, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Sur le sentier. C'est pas le sentier, tu commences très mal, mais comme d'habitude. Depuis quand je commence bien l'émission, moi là? Je vais pas changer avant la dernière, l'avant-dernière. Parce que là, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Bon, je sais. Je sais, vous allez me dire Reynald. Reynald, mon indiscipliné de premier ordre. Les premières émissions de la saison ont déjà commencé. Mets-toi! Oui, mais moi, je vais... Non. J'ai un alibi. J'avais pas terminé ma cuvée 2016. Faut même vider les dernières gouttes qui sont des plus succulentes, On laissera pas aller tout ça dans le firmament de l'oubli. Les deux derniers artistes, ce ne sont pas les deux moins intéressants. Bien au contraire, il faut les placer. Il n'y a pas de hiérarchie à Errance Rénadienne. Il n'y a jamais eu de hiérarchie. Le choix, même cette année, j'ai décidé, je viens de le décider là, la liste se fera peut-être en ondes, pourquoi pas. Oui, je vais ouvrir le micro et dans un sac, je placerai toutes mes rencontres 2017 et je choisirai, un après l'autre, les noms de ceux qui passeront à Errance Rénadienne jusqu'au dernier. Mais pour tous ceux et celles, depuis des années, où je m'envoie moi-même dans l'outre-monde. L'outre-monde. Ben oui, là, je un peu comme la catapulte, je m'expédie. Sans timbre. Histoire de revenir. Tu sais, ils se disent souvent, là, hey, je crois qu'ils s'imaginent qu'il va se rendre, lui, là. Hein? Son enveloppe n'a pas de timbre. On le ramène là-bas. Fait que il ne faut pas oublier de placer juste en haut de l'enveloppe à gauche là, l'adresse de retour, sinon vous ne revenez pas. Très important. Puis si c'est pour votre femme, ben mettez-en pas, elle ne reviendra plus. J'ai bonne idée, hein? Alors, la QV 2016 se termine la semaine prochaine. Aujourd'hui, comme je le disais vendredi, là, mon avant-dernier invité est un humoriste que je vous raconterai un peu le cursus dans quelques minutes. Émeric Déguy. Et la semaine prochaine, pour la dernière, c'est Marie Desrolles, qui est une comédienne très talentueuse, qui aussi a touché à l'univers clownesque. Mais là, c'est pas le temps de ce moment-là. Sur le chantier du virtuel ruissellent les faux masqués, les demandeurs fragiles au cœur psychiatrisé. Avez-vous remarqué? Psychiatrisé. Je voulais tellement faire beau, là. Je voulais tellement faire propre. Sur le chantier du virtuel, ruissellent les faux masqués, les demandeurs fragiles au cœur psychiatrisé. Là, je le sais, ça, on entend le micro. C'est parce que ma menotte bouge. Et je cherche ma souris. La souris, es-tu certain que c'est une souris, c'est pas un rat? Non, non, c'est la souris qui va me faire passer à l'autre. Attendez un petit peu. Genre, c'est du professionnalisme à son paroxysme. Donc, celui-là, deuxième texte. Le vent... Ça fait longtemps que j'ai pas lu de mes textes. Je me taisais. J'étais un peu comme l'arbre. Je ne produisais plus de fruits. Mais maintenant, voici la récolte. Le vent dans le dévoilement, la manifestation du magique, sans prise logique, voilà la mixture si solide d'une évasion clandestine. Comme c'est un peu absurde, je recommence. Le vent dans le dévoilement, la Rénal, oui, c'est moi. Ça a toujours été moi. Je veux, peut-être dans les années qui suivront, qui viendront, qui passeront, changer de prénom. On dirait que Rénal, au travail, c'est devenu fantomatique, là. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Avant ça, je me réveillais en plein milieu de journée, puisque je travaillais de nuit. Et là, je me dis, oh non, on m'appelle pour tout et pour rien. Je suis une poule pas de tête, gauche, droite, en vers, arrière, par-dessous. Hein, mon Dieu, c'est... Oui, vous avez raison, Madame Thibodeau. C'est la partose. Mais c'est que... À un moment donné, t'en auras le bol de te faire appeler Rénal. Puis les gens ne savent pas comment prononcer. La caissière de soir, elle dit « Ronald! Ronald! Ça va bien, Ronald? » Pas Ronald, c'est Rénald. Et j'écris mes textes sans pouvoir les lire. Je suis comme un illettré de ma propre création. Le vent dans le dévoilement, la manifestation du magique, sans prise logique, voilà la mixture si solide d'une évasion clandestine. Bon, là, c'est beau quand tu touches le micro. Le public, ça fait comme du bruit de fond. Ouais, puis qu'est-ce que t'as contre le bruit de fond? Les gens aiment ça faire du ski de fond. Maintenant, on va vous présenter du bruit de fond. Ainsi font les entourloupes sonores. Ainsi font trois petites graniches et puis... Pardon! Le ciel et la terre embrassent la mère universelle, celle qui chatouille le maître moqueur, le chef harmonisé à toutes les saisons. J'aime ça, moi. Je trouve ça beau, ce que j'écris. Puis ton Lego, mon Raymond, comment ça va? Oh, mon Seigneur! Là, si tu veux qu'on parle déjà d'ego, fait 3 semaines que je l'ai pas lavé, mon Ego. Non, je lui dis... Mon Raymond, tu vas passer pour une seule fois seul sous la douche. Laisse ton ego au vestiaire. Oublie-le là. Oublie-le là. Ne le reprends plus, ne le reprends pas. Marche tout seul, enlève l'ombre. Enlève l'ombre. Pour le mois de mai, ça n'a pas été difficile d'enlever l'ombre. Là. Il n'y en avait pas de soleil. Mais là, il y a du soleil. Comment enlever l'ombre? Quel est le moyen de marcher sans voir son fantôme apparaître sur le sol? Un fantôme, mais oui, c'est une apparence, c'est un trompe-l'œil. C'est pas un trompe-l'œil! C'est tout à fait normal dans la luminosité, dans le contraste. C'est le soleil qui t'amène ça, l'ombre. Pas de soleil, pas d'ombre. Pas de lumière, pas d'ombre. C'est dans la lumière que tu dois te projeter. C'est dans la lumière que tu dois te révéler. C'est dans la lumière que tu dois t'élancer. Et c'est dans la lumière que je vais m'arrêter. Hein? Grand public, petite réplique de l'universalité. prête à marcher. Non, c'est pas marché, madame. Non, ça n'a jamais été marché. Quoique, oui, ça a déjà marché, là, ces phrases-là, envoyées comme ça, comme un quidam. Mais nous allons nous reprendre. Puis surtout que je n'avais pas précisé sur afficher la suite. C'est important d'afficher la suite. OK, parfait. Grand public, petite réplique de l'universalité, prêt à mâcher toute la popularité du déjà vu. Peux-tu nous expliquer ce merveilleux texte, Rénal? On nous disait ça à l'école, hein? On nous faisait apprendre un poète, un conteur, un dramaturge, un littéraire. Puis on nous demandait, peux-tu me raconter ce que ça veut dire? Ben oui, moi vous le racontez. C'est sur quel texte que vous voulez que je vous raconte ça? Eh bien... Écoutez, très cher ami, vous êtes ici devant nous. Ben, j'espère que je voulais être derrière, là. Mais ils m'ont dit, si tu veux être vu, place-toi devant. Mais vous souvenez-vous, les élites, les intellectuels qu'à une certaine époque? Puis même, il y a des artistes, il y a des groupes qui se plaçaient de dos pour faire le spectacle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans doute très, très intimidés par la foule, ou peut-être même... par le visuel que les gens allaient projeter. Imaginez-vous si vous chantez une chanson puis les personnes que vous regardez dans le public font des grimaces, se bouchent les oreilles, se mettent à rire. Tu te sens déséquilibré. Mais moi qui le suis tout le temps, ça me dérange pas. Mais je voulais être en arrière. Comme, non, les souffleurs sont en avant, mais cachés en avant. On les voit pas. Ben en fait, la seule personne qui voit le souffleur, c'est l'artiste. Puis ce qu'ils ont mis comme un... Comment ça s'appelle ça, madame? Ouais, un parasol, mais en bois. Ouais, une corniche. Ouais, c'est bien plus beau comme ça. Je crois que c'est le terme exact. C'est une corniche. Ils ont placé une corniche, mais pas placé... Parce que c'est très, très restreint en bas, là. C'est comme quand vous faites de la Formule 1. On peut pas bouger beaucoup, là. C'est limité, comme mon cerveau. Puis quand c'est limité, la meilleure façon d'équilibrer tout ça, c'est qu'on fait rentrer le souffleur avant, puis on construit la corniche sur le souffleur. Mais l'ombre au tableau, parce que, oui, il y a l'ombre. On a parlé d'ombre, là, mais il y a aussi au tableau. Il n'y a pas juste de l'ombre sur le sol, il y a de l'ombre au tableau. L'ombre au tableau, c'est que le pauvre homme faisait sa carrière dans sa corniche. On y avait préparé une petite cuisinière, hein? Un petit frigo. Tout était petit parce que il y avait quand même 3 pieds, là. Je ne sais pas en mètres, mais en tout cas, 3 pieds. Il y avait 3 pieds pour vivre, là. Il était toujours penché. Assis, penché, pas plus que ça. Là, ça allait bien pour aller au... au bureau d'aisance. C'est pas un bureau, mais... Non, il n'a pas construit ça dans un bureau. Non, il y avait un petit coin tranquille, là, où il pouvait se laisser aller à tous les niveaux, faire son cri primal en poussant son pipi. Ça fait du bien. Avez-vous déjà essayé ça, un petit pipi primal? Avant de commencer ta journée, on dirait, je suis pas très en forme, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rêvé que j'étais fatigué. Et puis, là, je fais mon petit pipi, je m'en vais travailler, mais on dirait que je suis pas apte à conduire mon véhicule. Non, mon véhicule. Je suis pas apte à conduire. Non, pas. Vous tirez sur le pigeon d'argile. Vous tirez aux conclusions avant que je vous le dise. Non, pas. Le personnage vous le dit, là. Non, parce que c'est pas moi, c'est un personnage. Quand je vous parle de filles, c'est pas moi, c'est des personnages. Quand des filles parlent, c'est pas moi, c'est un personnage. Alors, on revient au personnage. Non, pas que vous... Hein, pas pire, hein? Wouh! T'es en forme, le Rénal, pour l'avant-dernière. Non, pas que je suis en faculté affaiblie, parce que c'est ça que vous croyez avant même que j'ai lancé la tirade. Non. Faculté affaiblie, non, je ne l'ai pas. Les mots changent. La terre tourne. Tout pour nous mêler dans le monde. Puis, le jour ne reste pas. La stagnation n'est pas permise sur Terre. Hey, la stagnation n'est pas permise sur Terre. On veut être dans l'action. Les gens qui ne le sont pas, là, ceux qui ont ce luxe-là de s'arrêter, de contempler, de réfléchir, d'écrire, de se relire, de revoir, de revisiter et de repasser, c'est un luxe extraordinaire. Si vous pouvez faire ça, gardez ça. C'est une richesse. L'important, ce n'est pas l'argent. L'important, c'est de prendre le temps. Donc, moi, je suis pas... Le personnage revient. Mais oui, tu m'avais oublié. Mais non. Mais j'aime ça, moi, quand j'en vois... Des messages subliminaux. Oui, c'est sublime, c'est sublime. Mais moi, je ne suis pas prêt à conduire mon véhicule. Non, pas que j'ai des facultés affaiblies. Bien au contraire. J'ai des facultés. C'est facultatif, mes facultés, moi. Très fait. Moi, à la naissance, là, j'ai même pas eu le choix. Qu'est-ce que vous voulez, là, d'une manière. Pas d'une manière, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous avoir? D'important. Pas d'important, mais... attendez, là. Je laisse rentrer les mots. Que voulez-vous? Que voulez-vous? J'ai rien à dire, mais que voulez-vous? Ça va bien? Mais que voulez-vous? Dans votre construction... avoir comme priorité. Hein? Ce qui vous compose. Que aimeriez-vous être? Et le reste en facultatif. Ah, ben moi, facultatif, là, tout ce que je vais vous dire, là, c'est après. Puis si vous pouvez mettre des extras, je peux avoir des extras là-dessus. Ben là, on construit des êtres humains avec quand même une sorte de un schéma. Donc, une façon de faire, là, classique. Puis après, ben, on peut diverger pour faire des marginaux, pour faire des gens dans la population plus... comment t'appelles ça? Populistes? On fait des populistes. On fait des polices. Des polices populistes. Ben, normalement, les polices sont plutôt dans le surmoi. On fait du surmoi. On en a fait de la police dans le surmoi. Ah, mon... Dans le sur, on fait des créateurs, des poètes. Ah oui, des chanteurs à la tête légère, aux pieds fragiles, au cœur d'argile, au regard d'artichaut. Avez-vous déjà vu ça, un regard d'artichaut, toi? Et la personne qui a un regard d'artichaut, c'est quelque chose. Au début, on ne s'habitue pas, puis à la longue, on ne s'habitue pas. Ça fait pas peur. C'est juste hors norme, étrange. Regard d'artichaut. Puis vous? Ben moi, je me suis réveillé ce matin et on dirait que je ne suis pas prêt à conduire mon véhicule. Oui, c'est ce que vous disiez. Mon véhicule. Comment ça? Oh, j'ai mal dormi. Vous avez mal dormi? Oh, j'ai mal dormi. Je rêve tellement là, que je me réveille fatigué d'avoir eu autant de réflexions qui se tenaient à bout portant. Dans l'irrationalité. Oh! Dans l'irrationalité. L'irrationalité? Ouais, ça, c'est la nouvelle rue qui est passée sur... Il y avait Sainte-Flavie. Hein? Après ça, il y avait le tournant. Le tournant majeur de l'existence. Et puis après ça, ben, c'est le parcours, là, dans l'illusion des plus sournoises. Une illusion. Des plus sournoises ou sournoises. En tout cas. Noir. Dans les noix. Nous étions dans les... Moi, je suis né aux noix de Mars, moi. Le 33 noix. Mais en plus, les réfractaires. Arrête pas de me dire que ça n'existe pas le 33 mars. Ça n'a jamais existé. Même avec les années bissextiles, le 33 mars, ça n'existe pas. Puis moi, j'aime pas ça, toutes tes extravagances intellectuelles qui me font croire que t'es un dérivé de la planète, puis qui va t'arriver malheur. Arriver malheur, malheur, malheur pour tes réflexions qui ne tiennent pas le coup. Je veux pas qu'ils tiennent le coup, moi. Moi, le coup. Tu sais, on voit dans les émissions ou même sur les internets des gens qui se font trancher le cou. C'est épouvantable, ça, là. Moi, faites-vous-en pas, je vais prendre mes jambes à mon cou. Puis il paraît que mon cou court plus vite que mes jambes. Parce qu'en haut, là, il y a tellement d'idées que ça a descendu plus bas. Puis là, c'est à ras le cœur. Hey, j'ai des idées même à ras le cœur. Mais faites-vous ça. Oui. Non, les idées ne me tombent pas sur le cœur encore. Le jour où mes idées vont me tomber sur le cœur, je pense bien que je vais tomber dans le négativisme. Et si je tombe dans le négativisme, il y a peut-être quelque chose qui va ressembler à la recherche d'une lumière perdue. Parce que quand tu ne trouves plus de lumière, le mieux, c'est essayer de scruter ou de, tu sais, un peu comme les mineurs de fond, essayer de trouver la lumière partout là dans le sous-sol. Partout dans le sous-sol, il n'y en a pas de lumière, c'est noir. Mais qui dit qu'en haut, il n'y a pas eu un stéréo. C'est carré, stéréo, et stéréo, c'est carré. Stéréo. Fait que ça vrille plus, là. Ça rentre dans la terre, là, la stéréo. Plus il y a d'air, plus ça rentre dans la terre. Parce que les airs, ça tourne les airs, hein. Fait que ça rentre plus dans la terre. Fait que le mineur de fond, ce qu'il veut, lui, c'est trouver une lumière. Pour, après ça, remonter. Par des ascenseurs, en tout cas, je peux pas vous raconter. Moi, j'ai comme une petite connaissance, mais pas une grosse, là. Moi, j'en ai jamais une grosse. Ah, mon Dieu! On l'a appelée Petite Flûte Enchantée. Ça, c'est une autre... Oui. Mais elle est heureuse. Elle est peureuse, elle est heureuse. Elle pleure un peu. Le matin, le midi, puis le soir. Puis si je bois pas, elle pleure pas. Puis je me suis rendu compte que pour me faire plaisir, je la retiens de pleurer, moi. Avant ça, je pleurais aux 15 secondes. Ben, elle voulait pleurer. Elle voulait pleurer aux 15 secondes. Elle s'est à me réveiller. Bon, OK, on va aller la faire pleurer. On se recouche. Ah! Il me semble qu'elle a encore envie de pleurer. Bon, on pleure, on se recouche. Ah, bon. Hey, je passais, mais j'étais encore plus fatigué, moi, là. Plus que vous, mon cher monsieur. Ouais, mais vous, c'est parce que c'est une question urinaire. Mais non, je n'ai pas parlé d'urine, moi. Ah, il me semble que c'est ça que j'ai compris. Avez-vous entendu le mot urine, mon cher monsieur? Non, mais écoutez, moi, j'ai pas le décodeur. J'ai le décodeur, j'ai pas ça, moi. Oh, je veux pas l'avoir non plus. Vous me faites tellement fantasminer. Moi, je suis pas limité. Avec vous, on n'est jamais limité. On est ouvert à tout. Vous savez, dans les sous-marins, pas les sandwichs, là, mais... Oui, les sandwichs. Sandwichs longs. Sous-marin, c'est sandwich long, mais moi, c'est sous-marin, sous-marine, en dessous de l'eau. Vous savez, là, quand on regarde au-dessus, là, il y a des écoutilles, en tout cas. C'est comme ça que le cinéma panoramique est arrivé. Et ça, c'est pas une blague. C'est Hitler. Et sa gang, la gang hitlérienne, qui ont mis sur la sellette le panoramique à cause des sous-marins. Quand ils regardaient dans la lunette, en dehors de l'eau, c'est fou! C'est aussi Hitler qui a inventé la bêtise humaine. Oh! La bêtise humaine, c'est non! C'est non! C'est une blague. C'est une blague. Si ce gars-là avait été un grand peintre, il n'aurait pas fait tout ça. Puis en même temps, je ne veux pas suivre l'histoire d'un événement. Mais ça, monsieur, je sais pas pourquoi j'ai voulu placer cette étoile gammée-là. Ouais. Gammée. Il y a quelques années, avant que mon scooter passe au feu, j'avais mon siège qui était percé. Puis comme je voulais pas qu'il y ait de l'eau qui entre dans ce siège plastifié, parce que c'est pas du cuir, c'est de la cuirette. Aimez-vous ça de la cuirette, monsieur? Ah, mais moi, ça fait riche, hein? Quand vous n'avez pas les moyens financiers, vous prenez de la cuirette. Quand vous gagnez un petit peu plus que ça, là, un minimum, vous prenez de l'assurance. Vous empilez un peu d'argent, puis après ça, vous pouvez acheter un manteau de cuir. Mais moi, mon bain n'était pas en cuir, il était en cuirette. Pas parce que moi, j'aurais bien voulu, là, dans les extras, demander de la cuir. Mettez-moi du cuir, du beau cuir, là, qui sent la vache, là, la grosse vache, là, t'sais. La vache qui tire les bœufs, là. Puis, c'est-tu la vache qui tire les bœufs? Ah, peu importe si c'est la vache qui tire les bœufs. J'avais un trou dans mon bain sur ma cuirette. Pourquoi j'ai... Parce que moi, l'innocent, il mouillait cette journée-là. Puis, je voulais fermer mon bain. Puis, j'avais mes clés. Puis, je me suis rendu compte que quand je frappais pour fermer mon bain, je frappais avec ma clé. Donc, ça fait un trou. Je suis innocent de même, moi. Je suis un imbécile. Fini. Mais conscient d'être fini. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis du ruban électrique, tu sais, du ruban collant électrique noir. Donc, j'ai fait une croix involontairement parce que je voulais vraiment que ça cache le trou. Ça a très bien fonctionné, ça ne décollait pas parce que j'avais mis de la pression. Puis je disais, tu vas tenir, toi, tu vas tenir. Un peu comme un militaire qui est en train de, tu vas tenir. Ah ouais, fais des push-ups, tu vas tenir. Puis il a tellement eu peur, il n'a jamais voulu décoller, là. Les deux échelons que j'avais placés. Donc après ça, j'ai travaillé dans une autre entreprise que je ne nommerai pas. Et faut pas nommer. Bon. Et donc, avant de passer à la musique, parce que vous attendez ça, je sais, c'est long. Le propriétaire m'a dit, t'es-tu un nazi? Comment ça? Ben oui, t'as fait une étoile gammée. Puis je dis, mais non, c'est pas ça. C'est pas une étoile gammée, premièrement. C'est un plus gommé. J'ai pas voulu rien représenter. C'était simplement parce que j'ai fait un trou, puis j'ai collé ça sans trop de réflexion. Puis c'est pas une étoile gammée. Regarde ça, c'est pas gammé, c'est gommé. Gommé. Allô? Attends un peu. Y a-tu quelqu'un? J'ai dit c'est pas gammé, c'est gommé. C'est collé, gommé. Tu sais, comme la gomme, gommé. Gommez-moi là, cet insignifiant-là. Gommez. Continue à boire de la bière qui se boit pas. Continue à croire que c'est toi le meilleur. Puis continue à regarder ta TV interne. TV interne, pas pire, hein? TV interne. Comme on dit souvent, à bon entendeur, hein? À bon entendeur? Oui, entendeur. Pendant les temps durs, moi, j'écoute plus. Ah non, je me concentre. J'essaie de garder le noyau en forme, là. Parce que c'est important. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu que. Hey, t'en dis long en tabarnouche. Ah oui, mais on va en chanter long aussi. Les racines. Racine. Oh yeah. Hey! Oh! On y va? This is hit! Oui, oh. This is hit, pretty baby. Oui, oh. This is hit, pretty baby. Mess around and fall in love. I'll be waiting your hand. You call me up on your telephone. You want me to take you for a ride. This is hit, pretty baby. Right over. This is hit, pretty baby. What? This is hit, pretty baby. Whatever. Hit pretty baby now. Oh, yeah. Dust around and fell in love. Right. Just rolling down the highway. happen. All the donuts have names that sound like prostitutes. And the moon's teeth marks are on the sky like a tarp thrown all over this. And the broken umbrellas like dead birds. The steam comes out of the grill like the whole goddamn town's ready to blow. And the bricks are all scarred with jailhouse tattoos. And everyone is behaving like dogs. And the horses are coming down Violin Road. And Ditch is dead on his feet. And all the rooms, they smell like diesel. And you take on the dreams of the ones who've slept there. And I'm lost in the window. And I hide in the stairway, and I hang in the curtain, and I sleep in your hat. And no one brings anything small into a bar around here. They all start out with bad directions. And the girl behind the counter has a tattooed tear. One for every year he's away, she said. Such a crumbling beauty. There's nothing wrong with her, $100 won't fix. She has that razor sadness that only gets worse with the clang and the thunder of the Southern Pacific going by. And the clock ticks out like a dripping faucet until you're full of rag water, bitters, and blue ruin. And you spill out over the side to anyone who will listen. I've seen it all. I've seen it all through the yellow windows on the evening train. Sera la femme que j'aime, comme je l'imagine et comme toujours, elle va près des gens qui aiment l'amour, comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime, comme je l'imagine, elle aime l'aurore, les matins d'hiver et la brume qui dort, les nuages rouges quand l'aube se lève, et vient le moment où finit mon rêve. Peut-être dans le sud ou dans les villes où le soleil vous brûle. Comme je l'imagine, elle sourit d'un rien. Comme je l'imagine, elle pense bien. Comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime. Comme je l'imagine, elle vient de loin. Comme je l'imagine, c'est une musicienne. Comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime. Et comme je l'imagine, elle est malheureuse. Elle sait qu'elle se sent devenir vieille. Mais je sens le vent qui se soulève. Souffle dans la nuit, emporte mon rêve. Où vit-elle? Peut-être dans le sud, ou dans les villes, où le soleil vous brûle. Je regarde vers le nord, je regarde vers le sud, et tout disparaît avec mes certitudes. Va croiser mon chemin. Comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime. Et comme je l'imagine, elle aime l'aurore, les matins d'hiver et la brume qui dort. Mais je sens le vent qui se soulève. souffle dans la nuit, emporte mon rêve. Où vit-elle? Moi je regarde vers le nord, je regarde vers le sud, et tout disparaît. Pendant la chanson, je regardais des photos que j'ai placées en haut de mon studio des Abbesses, ici à Québec. Et je trouve que ça allait très bien avec ce que j'entendais. Bon! Petit moment d'émotion! Ben oui. Ah oui, c'est tellement beau. Le groupe Les Innocents. Et quand j'ai rencontré un humoriste, mais pas drôle dans la vie, pas très drôle même dans la vie, tous les humoristes, je sais, j'ai déjà dit, tous les humoristes que j'ai rencontrés, sauf un ou deux, mais qui ne sont pas connus dans toute la francophonie, ben, ils sont loin d'être drôles. Et j'avais, pas traité, mais je me suis trompé. J'ai dit, ah oui, vous faisiez partie d'un groupe d'humoristes qui s'appelait Les Innocents. Ça, c'est le groupe qu'on a entendu. Mais c'est pas Les Innocents. C'était moi qui étais innocent quand j'ai balancé ça, là. C'était Les Inconnus. Au même moment, au Québec, il y avait RBO. Ils se sont toujours talonnés, tellement talonnés que RBO s'est dissous. Les Inconnus se sont dissous. C'est-tu Les Inconnus? Attendez, on va regarder ça, Les Inconnus. Un pigné, un échauffement, une extension, les deux. Comme je l'imagine, attends un peu. Comme les Innocents, c'est pas Les Innocents, c'est Les Inconnus. Les Inconnus. Les Inconnus se sont dissous. En tout cas, il n'y avait pas 25 cents. C'est-tu Les Inconnus? Les Inconnus. Ils étaient trois. Moi, j'en ai rencontré un des trois. Puis une autre humoriste habillée en rouge, rouge à lèvres rouge. Loin d'être drôle. Loin, mais sur les photos. J'en ai pédalé un coup. Il y a des artistes que je rencontre qui sont soi-disant connus ou presque connus ou inconnus. Ceux qui sont inconnus se la pètent. Quand le cellulaire sonne. Oui, mais pardonne-moi, là, je suis avec un Canadien, je suis en interview, de un, mon ami, de un, je suis pas Canadien, de deux, c'est pas une interview. Deux erreurs en deux, pas pire, mon champion, m'a tout à raconter ce qui se passe. Je suis Québécois, je fais des rencontres radiophoniques, pas un journaliste, moi, jamais été un journaliste. Vous allez vous en rendre compte que j'en suis pas un. Je connais les chemins, mais je les accepte pas et je ne les prends pas. Le chemin que j'utilise est le mien, bancal, mais pour moi, efficace, qui me plaît. Aujourd'hui, le vendredi 25 août 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ah oui, j'ai oublié de placer mon petit... Ah, mon petit Philippe, on y va. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Aujourd'hui, le vendredi 25 août 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions pour une fois, les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un sublime environnement, unissons-nous autour de l'humoriste, homme de radio, Émeric Déguy. Il est né, il vit, il va nous expliquer son cheminement maintenant. Bonne écoute. Elle est vraiment. elle est vraiment superbe. Désolé du retard. Bonjour, bon appétit. Pas de problème. Et puis, comment ça va? Ça va super. Excellent. Bah écoute, on va commencer. Je voulais avoir le branchement, mais ça fonctionne pas très bien. Donc, attends, tu peux ressembler un peu. Je suis désolé, hein, je... J'ai speedé un max. Okay. Je suis pas super loin, mais... Je suis parti, j'ai pris un petit peu de retard, quoi. Ah. Le métro. Aucun problème. Rénal de Gagné, donc, les errances rénaldiennes. Oui. Ah, ça fait un moment qu'on se connaît. Oui, ben c'est ça. Alors, on peut peut-être commencer par le début. Oui, tu es né à Paris ou c'était un. Non, pas du tout. Je suis né à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, département 13. Ok. Et j'ai grandi dans le sud de la France, Avignon, Manosque, c'est dans la... Ouais, je connais. Voilà, Avignon, Manosque, région PACA. Ouais, malheureusement la théâtre. Oui, Avignon, très connu, d'ailleurs c'est le festival d'Avignon en ce moment. Oui, effectivement. Et j'ai appris que la maire avait décidé d'interdire de mettre des affiches en carton, parce que soi-disant c'est sale, c'est du n'importe quoi. Le festival d'Avignon, c'est aussi la beauté de ses affiches, désordonnées partout sur les murs, enfin voilà, bref. Et ça leur permet de faire aussi, c'est une très bonne com, les affiches pour les artistes, et les artistes galériens également. Ouais. Mais peut-être que c'est une façon de se faire voir par les médias. Parler ? Médias. Oui, aussi, ouais. C'est une bonne astuce. C'est gratos. Ouais. Voilà. Exactement. Tout le monde en parle, la preuve. Exactement. Voilà. Tout le monde est indigné, tout le monde en voit la fête. Tout le monde, oui. Parlez de moi en mal, en bien, mais parlez-en. Sinon, c'est ça. Alors toi, tu viens d'un très beau coin de la France. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Paris? Eh bien, c'est la radio. C'est la passion de la radio, la passion du cabaret. Il n'y a pas de radio en région? Il me semble que oui. Des radios locales, t'en as encore et toujours. Ouais. Mais disons que... Bonjour madame. Rien pour l'instant. Pouvez-vous me donner un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Et auriez-vous des allumettes? Je vais voir si c'est possible. Ouais. Sinon, faut prendre... donnez-moi un petit café, s'il vous plaît. Ouais. Alors oui, je disais, c'est une jolie région, mais je tournais en rond. D'abord, j'ai grandi à Manosque, où tu as 20 000 habitants. C'est là où j'ai commencé à faire du théâtre. Au départ, je voulais faire comédien, mais la radio a toujours été une envie comme ça dans un coin de la tête. J'avais d'ailleurs, quand j'étais adolescent, sur une radio locale de Manosque, Radio Mondor, une radio qui n'existe plus. Et ensuite, je commence... C'était une radio associative? Exactement, une radio associative, oui. Une radio. Qui était pas mal du tout. Les marques de moyens, ils ont pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, j'ai plus de nouvelles. Il y a dû avoir des soucis d'argent, des rapports conflictuels. Voilà, plein de choses. C'est l'argent. Quand t'es associatif, le grave problème, c'est l'argent. C'est toujours le problème. On a toujours autant besoin d'argent. Ouais. Après, je montais à Avignon quelques années où j'ai continué le théâtre, les ateliers. J'avais tenté des écoles aussi. J'avais fait le conservatoire d'Avignon. Et ensuite, ça me reprend. Tiens, je veux faire de la télé ou de la radio. J'ai commencé à faire un petit blog. À l'époque, il s'appelait Téléchoucroute. C'était pour moi, c'était de la télévision satirique et burlesque. Et sur Internet. C'était sur Internet, ouais. Le blog n'existe plus, tu pourras rien retrouver. Pourquoi tu l'as détruit ? Oui, parce que je suis passé à autre chose. Mais c'était des bons souvenirs, alors je faisais... Pourquoi t'as pas gardé quelques passages ? Moi, je les ai gardés en tête, mais non, je sais pas, j'ai voulu vraiment couper les ponts avec cet ancien univers. Je suis passé, l'univers créatif était déjà là, et ensuite j'ai solidifié, j'ai structuré encore mieux mon univers. À l'époque, Téléchoucroute, ça restait un petit peu brouillon. Ça faisait marrer les gens, c'est-à-dire un téléchoucroute. C'était avec une caméra, tu filmais. Exactement, au départ j'ai commencé avec une caméra qu'on m'avait prêtée, qui n'était même pas à moi. Après je finis par la rendre quand même. Et je trouve. C'est quelle année ça ? Ça c'était en 2007, Festival d'Avignon 2007, où j'ai commencé ce délire de téléchoucroute. Et un an après, quasiment, je suis monté, février 2008, je suis monté à Paris. Okay. Avec mes idées et des rêves plein la tête. Je vais vous prêter mon briquet sur le premier thé de Pablo. Il n'y a pas de souci, merci madame. Génial. Non, c'est pas que je veux pas trop, mais je suis toujours d'avoir. Non, mais je comprends, ça se perd très facilement. Non, c'était par rapport au café. D'accord. Alors, Avignon, 2007, Téléchoucroute. Exactement. Ensuite, on a effacé les traces parce qu'on ne voulait plus que ça soit associé à sa propre personne. Oui, voilà, je voulais. Là, c'est une partie du passé que j'ai enterré. Ok. Et j'avais commencé. J'ai commencé ça en tout cas tout seul. Et quand je suis arrivé à Paris, février 2008, j'ai rencontré une ex-copine qui m'avait aussi pas mal aidé, qui a été informaticienne. Ça tombait bien, elle était artiste. Elle était musicienne, poète, slameuse. Elle s'appelait Nadia. Elle est morte ? Non, non. Okay. Je parle d'elle dans le passé. Ouais. Oui. Ouais, non. Non, je n'ai pas tué, mais. Non, je n'ai pas encore tué. Non, ouais, j'ai plus de nouvelles, on n'est plus. Peu importe. Non, mais elle s'appelle, tu veux pas la nommer ? Nadia. Ok, Nadia. Nadia, voilà. Nadia. Mais je te dirai pas son nom d'artiste parce que. Ok. Donc elle m'a pas mal aidé, elle m'a montré aussi, elle m'a fait découvrir le milieu des scènes ouvertes à Paris, c'est pas ça qui manque. Ouais. Les scènes ouvertes slam, poésie ou bien scènes ouvertes humour. Et donc on a commencé à faire des petits sketchs à deux et voilà, une fois qu'on s'est séparés, j'ai fait cavalier seul et là j'ai créé ma chronique Les Infos du Monde Fou. Mais les walkie-talkies, c'est rentré à quelle époque ça ? Les walkie-talkies, lorsque tu faisais... Talkie Walkie, ça a commencé, Talkie Walkie, oui. Ah, c'est un super souvenir, c'est là qu'on s'est connus. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est l'âge d'or pour l'instant de ma carrière de radio. Talkie Walkie, ça a démarré en 2009, à Paris. Ça a été créé. Au départ, c'est Mickaël Renard est le créateur de cette émission. Ouais. Mickaël Renard est donc un ami et acolyte de radio qui m'a tendu la main, qui m'a invité à venir à Talkie Walkie. Il a engagé. Est-ce que c'était bénévole ? C'était bénévole, oui. C'était bénévole. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, hélas, tout ce que je fais en ce moment en radio, je ne suis pas payé. Okay. Et donc, à côté de ça, je travaille dans une association de militants. Voilà, qui s'appelle la boutique militante et le collectif Les Désobéissants. On est un peu les révolutionnaires des temps modernes et on passe notre temps à... On vend des articles militants, t-shirts, livres, sur toutes les thématiques, toutes les causes. Et on fait aussi régulièrement des actions dénonçant les causes, dénonçant des injustices. Ça va de la discrimination, le racisme, la fraude fiscale, l'homophobie. Pensons à Orlando, évidemment, ça a fait les beaux jours, entre guillemets, de nos chroniques. On en a évidemment tous parlé, terrible cette histoire. Et voilà, donc à côté de ça... C'est quand même quelque chose d'assez maigre pour vivre à Paris, c'est quand même pas aussi évident que ça. C'est pas facile. Il faut vraiment s'accrocher, puis de toute façon, il ne faut pas se poser 36 questions. Si tu veux, tu peux. Et j'ai galéré en arrivant à Paris. Moi, je suis arrivé, mais avec rien, mon sac à dos. J'avais 150 € en poche. des rencontres et puis des retrouvailles aussi. Je retrouve quelques membres de ma famille qui m'ont hébergé une nuit après un pote par-ci par. Et j'avais ma caméra. Salut, Téléchoucroute, hein, c'était encore Téléchoucroute à l'époque. Et donc ça crée des liens. Est-ce que tu te promènes avec ton sac à dos à Paris ou c'était non. Qui était un domicile fixe? Non, je me suis posé, oui. J'ai été sans domicile fixe pas mal de temps. J'ai vécu en squat. Mais c'était super, hein. C'est pas super pour tout le monde. C'est pas évident parce que la vie est quand même incertaine dans un squat. Attention, on parle de squats normaux, c'est pas les squats punk à chien où les gens se défoncent à longueur de temps. Là, c'est des gens, en fait, c'est du squat et du militantisme. On ouvrait des bâtiments vides et on rentrait dedans et on restait le plus longtemps possible. Ouais, c'était pas un choix de vie. C'est pas facile, c'est marginal. C'était un choix de vie, c'était pas. Un homme qui a perdu son emploi et qui se retrouve à ne plus pouvoir payer sa maison, dehors. Donc c'est pas du tout le même genre. C'est plutôt pour conscientiser ou peut-être pour revendiquer certains droits. Bien sûr, mais c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec un SDF aujourd'hui. Ah non. Voilà. Enfin, le SDF qui est en effet sans domicile fixe. Après, tu as la signification, mais tu as le clochard. Le clochard, vraiment le clochard extrême qui a décidé de. Qui est resté perché, qui est dans son univers, qui a décidé de se dégrader, etc. C'est encore autre chose. C'est triste. Dans la société, il n'y a jamais. Voilà, mais il y en a. Si les gens décident de ne pas vivre comme tout le monde, ils ont tout à fait le droit, tant qu'ils ne dérangent personne. Voilà, il y a des gens qui décident de se clochardiser. Bon, après, ça, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme. Voilà, bref. La perte d'un boulot, sa famille, etc. Et pour venir à Taki, comment tu l'appelais encore? Taki Waki? Alors Taki Waki, donc cette fameuse émission qui a été ma première émission de radio, donc créée par Michael Renard. Tout a commencé dans un studio qui était à Montparnasse, mais à l'époque je ne faisais pas partie de l'équipe. Okay. On s'était rencontrés entre temps avec Michael. Tu allais aux sessions d'enregistrement, pour le plaisir. Pardon? Tu allais aux sessions d'enregistrement. Voilà. Et sans participer. Même pas, je regardais l'émission sur internet. Ah, tu l'écoutais? J'écoutais l'émission. Enfin, je regardais. Ça se voyait? Est-ce que oui, il y avait, c'était à la fois radio et télé, c'était en webcam. Oh diable Dieu! Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, ce vieux mafieux, roi des picots, secte d'escrocs, de collaboniqueurs d'ado, brûleur de vierges, lécheur de cierges, oh diable Dieu. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, ce vieux grincheux, sur un nuage disent les sages, ceux qui professent disant des messes, de mirlitons que l'homme est son. Portrait craché, oh quel péché, oh diable Dieu, oh diable Dieu, tueur de queue, son goupillon est un canon, et tous ses pâtres sont idolâtres, et son église n'est que traîtrise. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu. Mais s'il s'agit du grand ami miséricordieux, oh vive Dieu, vive la vie, celle qui lui les atomes de l'air du chrome, des misérables, des simples tables. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, merde biblique, vive l'unique, merde biblique. Au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL LF, le 89 à Québec, avec Rénald Gagné. Vous dansiez sur la piste à peine éclairée, vous dansiez seul. Donc la première saison, je n'ai pas été convié, c'est pour la deuxième. Et là qui a démarré... Il a lancé un message, une annonce. Moi, il avait un petit peu vu mes vidéos de Télé Choucroute. Et à l'époque, c'était encore mon pseudo de radio, quoi, Choucroute. Donc, on a fait d'abord une émission pilote. Alors, c'était plus à Montparnasse. Là, la deuxième saison, ça démarre à Versailles, dans un studio, un beau studio de radio, Evening Radio. Et c'était encore du bénévolat. Du bénévolat. Non, mais comment quelqu'un peut louer un espace aussi extravagant? Est-ce qu'il y avait des publicités? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui... On n'avait pas de sponsor. Non, on payait rien. C'était une radio associative aussi, donc il y avait peut-être un ou deux salariés à la radio, mais Evening Radio existe toujours, mais on a fait une seule saison et puis la direction ne nous a pas laissé continuer. Et des raisons. De projet de continuer, mais faire cavalier seul et de présenter une émission à toi. Alors justement, justement, on va y venir. Continuons avec Toki Walkie parce que c'est important. L'émission donc a duré 6 saisons. Donc d'abord on était. Alors tu as connu Bloc TV toi aussi. Oui. Je crois que c'est là où on s'est connus. Oui. Oui. Voilà, Bloc TV, oui. C'était là où on faisait un bon audimat d'ailleurs. Et on diffusait 2 heures seulement sur Evening Radio. Et sinon c'était Bloc TV. Donc là c'était. On était filmé en webcam. On avait, il y avait 6 cams où on pouvait inviter les gens et tu avais le chat. Et c'était une très bonne période, on a fait des rencontres de dingue. Ça allait de... Ben, on avait aussi rencontré Jeffa, que tu connais peut-être, toi qui es canadien. Québécois. Québécois, ouais. incident diplomatique. Oui, bon, c'est fréquent ici. Et Jeffa, c'était un mec complètement barré. Tu connais des détracteurs? Non. Non. Ça peut être extrêmement underground aussi, là. Ça peut, il peut être connu uniquement dans sa famille. Ouais. Et Jeffa était en direct de sa chambre. Il était obèse, chauve. Et il avait une voix super aiguë comme ça, avec son, et en plus de l'accent québécois. Mais là, imagine, il avait l'accent québécois, mais il n'avait jamais pas encore muet, tu vois. Il était incroyable. Il était barré, il avait aussi sa télé GFA sur Block TV. Ensuite, nous, on a arrêté Block TV avec Talkie Walkie, on a intégré Dynamic Radio. Voilà, une radio web qui marche pas mal. Et d'ailleurs, tu as un ancien de Talkie Walkie, Zédric, qui est toujours là-bas avec son émission. Oui. Moi, j'ai fini par... J'ai quitté Talkie Walkie, j'ai pas fait la dernière saison parce que j'ai voulu passer à autre chose. Et ça s'est soufflé. Ça commençait un peu à se dissoudre. C'était le Let It Be des Beatles. Exactement, ça c'est... Chacun travaillait dans son coin un peu comme dans Let It Be. Okay. Et ouais, ça j'aime bien les métaphores là aussi. C'est une bonne référence. Bonne référence. Ouais, non, ça s'est soufflé en fait. Zédric est parti. Tu sais, il y avait un noyau dur, Mickaël Renard, Zédric et moi-même. Zédric a commencé à partir. Il a fait Cavalier Seul, il a fait son émission. Et moi je suis parti. Et ça a été dur. Et Mickaël ne s'est pas retrouvé dans l'esprit, dans le Talkie Walkie Spirit. Si Sex and Fun, comme on disait, l'émission la plus loufoque du web, et bah, tout s'est arrêté. Et... Il n'a pas pu reprendre le flambeau. Non, non, non. De reproduire la folie. Non, on l'a reproduit. Ben, du coup, la folie, moi, je la reproduis ailleurs avec mon émission. Et puis, je la reproduis. Autrement, là, tu ne veux pas faire du papier-collé de ce que tu faisais avant. Non, non, non. Talkie Walkie restera Talkie Walkie. Et ce qui s'est passé sur Talkie Walkie reste... Voilà, ça restera exceptionnel, gravé à jamais. Avez-vous des archives, quelque chose? On peut retrouver, je pense. Alors, tu sais, Block TV, ça fait longtemps que je n'y vais plus. D'ailleurs, je crois que maintenant, enfin, je sais pas, tu es toujours sur Block TV, toi? Non. J'ai ouï dire que c'était maintenant très mal géré. Avant, tu avais des modérateurs. Tu avais un modérateur principal. Là, maintenant, c'est devenu n'importe Nawak. Ok. Et donc... j'ai mis des miettes de tabac partout, c'est le bordel. Et je pense que oui, avec Mickaël Renard a dû garder les archives. Il y a quelques vidéos qui doivent encore traîner sur YouTube d'anciennes émissions, mais alors je compte même plus le nombre d'émissions qu'on a fait parce que c'était une libre antenne. Tout est permis, carte blanche. Et en plus, c'est Internet, donc tu peux citer des marques, tu peux en aller très loin des fois. Bah, chez nous, c'est KRL qui est une radio associative. Comme c'est pas une radio Internet, on peut pas arriver à faire ça. Ouais. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est tant mieux. On peut pas non plus... que vous preniez de la publicité puis vous la déstructuriez ou comment ça fonctionnait? Nous on était un peu des anarchistes de la radio. Moi d'ailleurs j'ai une spécialité dans le côté parodique, fausse pub, etc. Mais on n'avait pas de sponsor. On communiquait sur Twitter, sur Facebook, et puis on communiquait dès qu'on pouvait. Et moi je faisais mes plateaux d'humour. Et donc automatiquement, je faisais la com, retrouver Talkie Walkie, l'émission la plus loufoque du web. Et on a fait des rencontres incroyables. On s'est fait copains avec certains auditeurs. On a été chez l'habitant. On a fait des émissions chez une auditrice qui habitait à Morlaix, en banlieue parisienne. On a été en Alsace, à Retzwiller, chez Tom Mounet, un auditeur, un fan de l'émission. On est resté un week-end chez lui. C'était incroyable. On installait le matos dans le salon. Et l'émission se faisait alors. Et ben voilà, avec le Minster, avec les huîtres, avec la choucroute. Et on a été jusqu'en Normandie, à Pose, un bled paumé, chez DJ Olive. Ce qui est intéressant, c'est parce que même les radios... Les radios d'État, à un certain moment, surtout l'été, font ce genre d'émission-là. Mm-hmm. Ils s'en vont chez l'habitant et bien sûr qu'il y a un montage, mais quand même, ils se font accueillir, ils vivent parmi eux, puis ils font des rencontres. discute avec le maire du village. Oui, c'est un peu l'idée de j'irai dormir chez vous, oui, oui, version radio, ou alors tu as le film qui est excellent, tu l'as peut-être vu, Radio Star, non. Avec Clovis Cornillac, Manu Payet, non. Histoire d'une équipe de radio qui font une tournée d'été et qui vont de village en village. C'est réel ou fictif? Non, c'est une fiction, okay. Mais c'est un très joli film. Il faut le voir avec, quand tu le vois avec, la vision d'un animateur radio, c'est ça, t'es très touché. Dire, là, pour nous, ça prend une forme beaucoup plus touchante que pour la majorité. Pour les gens qui adorent la radio, c'est vraiment peut-être le film culte ou un des films. Oui, voilà, on le voit autrement, ouais. Parce qu'on connaît un peu les rouages et comment ça fonctionne. Et comment on peut être très passionné de la radio, même si... Certains, ils en font leur choix, travaillent très bien, et d'autres font ça d'une manière bénévole, c'est nous, c'est moi. Donc, c'est à se demander, est-ce que les gens qui sont dans des radios un peu plus haut perché, ouais. Qui ne sont pas nécessairement non plus les meilleurs, est-ce qu'ils le méritent, le type d'animateur qui s'en va travailler en bougonnant, puis qui fait de la radio, tu dis, voyons donc, toi qui adore la radio, nous, on y va sans être rémunéré, puis on est heureux de le faire. Pourquoi? C'est un métier de passionné. Oui, et, oui, mais je crois que les gens qui en vivent ne le sont pas passionnés. C'est un peu comme... Ça dépend, l'artisan. Ça dépend, parce que voilà, il faut répondre à certaines règles. Il y a le politiquement correct. Oui, ça, c'est dans les radios. Ouais. Voilà. Et après, quand tu vas sur des grosses radios, il va y avoir des règles qui vont déplaire ou pas. Et si tu peux avoir la chance de faire vraiment, de faire ce que tu veux. Mais voilà, l'important, c'est d'avoir sa liberté. Alors, si tu m'enlèves ma liberté... je dirais pas de nom, je veux pas après tomber dans la critique tout le temps négative, etc. Mais j'ai eu quelques soucis sur d'anciennes radios, peu importe, où ils disaient avant l'émission, non, tu dis pas ça, tu parles pas de ça, Une radio libre ? Ils se disaient une radio libre, mais ben, là non, c'est faux cul. Là, le gars, t'as envie de lui dire, écoute, moi je suis dans ma ligne de conduite, hein, j'ai mes convictions, toi t'as les tiennes, mais je t'emmerde, voilà. J'ai pas eu non plus de grosses embrouilles, hein, mais voilà, je tiens à le dire, c'est important de faire c'est ce qu'on veut. C'est pas parce que t'es libre que tu l'es vraiment. Tu sais, c'est pas parce que tu dis que ta radio est libre qu'elle l'est vraiment. Exactement, ouais. Exactement. Ouais. En tout cas, avec Talkie Walkie, vraiment, quand je te dis qu'on était libre, c'était mais à 200%. Liberté absolue. Ah ouais, à 200%. Comme un peu... l'excellente radio qui s'est formée ici sur Carbone 14. Eh ben oui, ben oui. Qui vient de CKRL? Est-ce que tu connais un peu CKRL? Alors, Carbone 14? Ouais, mais CKRL avant. Est-ce que tu la connais, CKRL? CKRL? Ça me dit rien. Non. CKRL. CKRL, c'est la première radio associative francophone au monde. D'accord. En 74. Québécoise. Québécoise. D'accord. À Québec. Okay. Au coin de la 3e avenue et de la 4e. Je travaillais de l'autre côté, moi. J'ai travaillé 28 ans de l'autre côté de nuit. Mm-hmm. Ça, c'est le quartier chaud. Le quartier de la prostitution, des junkies et tout le reste. Ah, ça m'excite. Alors là tu m'attires. Et là, mais moi, j'ai travaillé 28 ans avec eux. Stay. sometimes my self-respect took second place. And I cried for love. I did what my heart told me. Cried for love. Can't stand it when they scold me. Yeah. Cried for love on every Sammy morning. Yeah. Cried for love. 'Cause imitation's boring. Cry for love. Cry for j'ai fait de la radio là parce que l'animatrice du matin venait chercher ses journaux à l'établissement où je travaillais de nuit et elle voyait que les clients sortaient en riant. J'avais sans la répartie, elle est venue me chercher pour faire une chronique et la mienne s'appelait « Aux quatre coins des mots et des idées ». J'étais libre de faire ce que je voulais. J'ai commencé ma chronique, ma première chronique c'était, je parlais de comment réussir sa mort et de se procurer son tombeau et ne pas oublier de lorsque tu t'achètes un tombeau, de le syntoniser sur CKRL pour la vie entière. Bon, tu peux rigoler comme ça. C'est pas mal ça. Comment réussir sa mort. Ouais, ouais c'est ça. Donc, comme David Bowie l'a fait, il a réussi sa mort. Et ça, c'est une autre histoire. Et, mais c'est très intéressant. Parce qu'il a été enterré la journée de sa mort. Ah. Il a été incinéré la journée de sa mort. D'accord. Parce que Il avait fait son testament, il avait mentionné pas ça. Du tout. Même pas. Non, d'accord. Il a demandé d'être euthanasié. Avant de réussir sa mort, il faut aussi réussir sa vie. Et je pense que David Bowie, ça a été une carrière vraiment exemplaire. Il était génial, ce mec. Et donc, on est venu me chercher de ça. Et pour te dire que CKRL est la première radio associative francophone au monde. Et on est venu à Paris pour monter la première radio libre qui s'appelle Carbone 14. Tu veux dire que j'ai en face de moi... Non, pas moi, mais ma radio. Mais ta radio. Donc, CKRL est à l'origine de Carbone 14. Toutes les radios libres francophones. Toutes les radios libres en Suisse, en Belgique et... en France et au Québec. Mon cher Rénal, il y a une certaine... Non, mais tu ne savais pas. Hein. Ah, non, mais là, tu m'apprends un truc. Ouais. Carbone 14, ça, évidemment, je suis... Alors, ça a créé les Lafesse, les Super Nanas... Ben oui, et David Grossex, qu'on avait eu, d'ailleurs, dans une émission de Dynamique Radio il y a 2 ans. C'était pas mon émission, c'était pas Talkie Walkie, c'était l'émission La Kitchenette. Très bonne émission, d'ailleurs, qui existe toujours et qui est sur Dynamique Radio. Et ils avaient invité David Grossex. Que j'ai malheureusement pas pu assister à l'émission, mais en tout cas Carbone 14, oui, ben, tu vois, nous sommes les héritiers de Carbone 14. As-tu vu le documentaire sur Carbone 14? Pardon? Le documentaire? J'ai vu, oui, quelques extraits, oui. Okay. Le documentaire, tu peux le retrouver en DVD d'ailleurs sur Internet. Oui, je l'ai à la maison. Et oui, t'as des... c'est des grands moments. Ils faisaient ça dans une petite, genre une petite pièce, c'était les moyens du bord, et c'était génial. C'était en même temps psychédélique. C'est-à-dire que tout était permis au niveau... Une liberté d'expression sans limite. Mais pas juste ça, il faut être honnête. Liberté absolue surtout. L'alcool, la drogue, tout le reste. Et voilà, parce que tu sais, moi, je veux dire, le studio... Quel serait le studio de mes rêves? Bon, j'ai déjà créé un peu l'émission de mes rêves. On va en parler un peu plus tard, si tu veux, les charognards de l'info. Moi, quand j'ai mon studio, je t'invite, t'as le droit de picoler, t'as le droit de fumer un pétard, t'as le droit de boire de la bière, t'as le droit de siroter du pinard, du whisky, ce que tu veux, j'en ai rien à cirer. Parce que ce sera mon studio. Tu peux inviter tous les... Tu peux inviter des potes. Studio, moi j'en ai un studio. Ah ben j'ai pas les moyens pour l'instant, okay, okay. Voilà. Mais pourquoi tu fais pas... Je suis pauvre moi. Un emploi, oui, mais pourquoi tu s'occupes pas un emploi que tu n'aimeras pas pendant quelques années pour faire ton studio? Ben, je fais... Disons que chaque chose en son temps et je fais un boulot à côté qui me plaît quand même, qui me plaît aussi beaucoup. Mais qui n'est pas très payant non plus. Qui n'est pas super cher payé, mais après j'ai pas envie de faire un emploi qui me gonfle. Non, ah, j'ai fait ça assez longtemps. Pendant des années, j'ai fait de la restauration. Okay. J'ai des fois bien gagné ma vie, mais là la restauration, j'ai complètement saturé. J'ai fait une croix sur ce métier. Non, mais j'avance quand même pas mal à ma manière et je finirai par avoir. Mais quoi, t'as une trentaine d'années? J'ai 38 ans. J'en parais 16, mentalement. J'en ai 50. T'en as 50, ouais. Ok. Je suis là 66. 66, moi je suis de 78. Ouais. On m'a pondu le 30 mars 78. Et donc, toi, tu vas avoir ton propre studio, histoire de faire les émissions à partir de chez toi? Ou pourquoi pas quand j'aurai un... pourquoi pas à partir de chez moi, je sais pas, mais je trouverai bien un jour, pas dans 20 ans, mais... Mais rapidement, ouais. Toi, tu fais tes émissions, les errances rénaldiennes, en direct de chez toi. En fait, ouais. Moi, je suis diffusé à CKRL, mais comme la journée où c'est diffusé, je termine le boulot. Avant ça, je travaillais parce que j'ai été 28 heures de nuit. Donc, je ne pouvais pas faire la radio et travailler en même temps. Donc, j'enregistrais mes émissions et j'enregistre toujours mes émissions et je les envoie à CKRL. Eux placent ça dans l'ordi et à la fin de l'émission qui s'appelle « Ton oreille a soif », ils mettent en marche le magnéto et c'est moi qui embarque. Mais je fais aucun montage. C'est-à-dire que c'est comme du live. Il n'y a aucun trafic. Je presse sur enregistrement et j'arrête après 2 heures. Donc 2 heures, 2h10. Parce que comme je dis, c'est une émission anarchiste, je ne veux pas non plus cadrer dans 2 heures. Et je fais expressément 2h05, 2h10. Pour ne pas rester dans le carcan de 2 heures. D'accord. Donc et qui dérange beaucoup la direction parce qu'ils veulent que. Les ordinateurs sont faits pour que ça se termine à 2 heures, histoire d'enchaîner pour les publicités et tout ça. Nous, on a des publicités aux 30 minutes. OK, mais des publicités de 2-3 minutes, et c'est des publicités humanistes du restaurant bio, du coin. C'est pas des publicités sur des produits dégueux. Non, il n'y aura pas Adidas. Ah, CKRL est une radio militante, quoi, en quelque sorte. Une radio associative. Oui. Et à la base, une radio militante, donc. Nous, on est pour les biens durables, donc on va avoir des publicités sur ce sujet-là. On va avoir, mais on ne prendra pas de publicité. On le fait à un moment donné sur les loteries. D'accord. Parce qu'il faut mettre un peu d'eau au moulin. Mais là, comme l'organisation a changé, donc le regroupement a été modifié, les dirigeants ne sont plus les mêmes, ils ont dit non, on fait plus ce genre. Mais donc on peut aider, je ne sais pas, le boucher du coin qui fait de la boucherie bio. N'importe quel, le café du coin qui propose du thé bio, des trucs comme ça. On découle de ça et les gens sont membres de notre radio. 25 $ par année. Vous êtes combien sont-ils sur ces CKRL dans... Rémunérés. Rémunérés, y a-t-il des salariés? 7. 7, d'accord. Tu en fais partie, toi? Non, pas d'accord. Du tout. Sinon, ils sont combien dans l'équipe environ? Équipe rémunérée? Bénévole. En tout et partout, on peut compter 150. Sans parler des chroniqueurs. Là. D'accord. Parce qu'il y a des chroniqueurs de certaines émissions. Là. D'accord. Ça, je peux pas te le dire exactement parce que l'été, l'automne, l'hiver, ça se modifie. C'est pas les mêmes émissions. Mais moi, je fais aucun arrêt. Il y en a plusieurs qui font des émissions automne-hiver et qui arrêtent l'été. D'accord. C'est 365 jours depuis 11 ans. D'accord. En tout cas... Et donc, les émissions sont préparées un peu d'avance. Mm-hmm. Parce que ma mère est souffrante, donc s'il y arrive quelque chose de grave, mon émission va durer. Même si 3 semaines, si, comme là je suis ici, donc je suis 2 semaines sans faire d'émission, ça se poursuit. J'ai des trucs préparés jusqu'au mois de mi-août. Mi-août, ouais. Oui. Et donc, lorsque je vais reprendre le flambeau, c'est mes nouvelles émissions qui vont, c'est-à-dire mes nouvelles rencontres qui vont entrer en ondes. Et là, je vais pouvoir. Avant, l'année dernière, je n'avais pas fait ça et je me suis tiré dans le pied, puisque je ne pouvais pas parler de mes rencontres avec mes anciennes cuvées. Oui. Donc, il m'était arrivé plein d'expériences que je voulais raconter, mais je pouvais pas. Là, tu es en France pour combien de temps, Rénal? Moi, je termine samedi. Tu termines samedi. Et là, c'est toujours 8 jours. D'accord. Et t'es là t'es, en ce moment, tu es là tous les jours sur cette terrasse? Ben, pas ici. Je me déplace ici. On accepte le matin. Mais à partir de midi, on est obligé de manger, même si on a pas. Ah oui, d'accord, oui. Mais d'accord. On n'a pas droit. D'accord. Bon. Mais je m'en vais au Sancerre. D'accord. Je suis toujours au Sancerre. Au Sancerre ou dans ce coin-là. Et j'ai éliminé le Saint-Jean, puisque c'est des gens tout à fait ignobles. Tu permets que je te prenne en photo? Oui, j'ai des photos, oui. Mais en même temps, j'ai mon appareil, hein, donc... Là, je vais faire une photo souvenir qui va beaucoup te plaire. Attends, j'ai une paire de lunettes, c'est spécial. Okay. Ah oui? Tiens, regarde. C'est pour moi? Lunettes... Alors, non, je te juste... non, c'est collector. Tu veux que je les mette? Oui, voilà, et je te prends en photo avec. Oui? Ah, pourquoi? Donc, voilà, bienvenue en France. Ok. Coca-Cola. En plus, quelle horreur. Chut, chut. L'important, c'est voilà, les couleurs de la France. Ah. Voilà. Je te remercie. Une petite photo souvenir. Voilà, c'est une lunette tricolore. Okay, voilà. Okay, okay. Ah, ouais, bon. Oui, hélas, sponsorisé par Coca-Cola. Mais d'ailleurs, je vais les effacer. On les voit pas parce que c'est. On les voit pas, oui, parce que c'est marqué sur les branches. Ouais. Donc, la radio, c'est ça, c'est la première radio associative francophone au monde. Et donc, j'ai des questions à te poser. Bien, mais continue, je suis disponible. Tout oui. Je suis tout oui, je suis. Qu'est-ce qui t'a dans la radio, hormis toi, ce que tu fais? Qu'est-ce qui me plaît dans... À part la radio, tu veux dire? Non, à part... Oui, non, tu écoutes la radio, mais oui. À part toi, ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux retrouver à la radio? Qu'est-ce que j'aime à la radio? Déjà, je suis sans... Bah, tu sais, faire de la radio, c'est donner, offrir une voix. Oui. Une voix qui va apaiser les gens, qui va amuser les gens. Il y a un passage dans le film dont je te parlais tout à l'heure, Radio Star, oui. Où Clovis Cornillac dit à Manu Payet, dans un moment un petit peu de... Ils viennent de se prendre la tête, etc. Et il lui dit un truc que j'aime énormément. C'est ma voix qu'ils entendent en premier, avant d'entendre leurs enfants, leurs maris, leur patron. J'ai qu'une vie, c'est cette émission. Moi, ce qui me plaît, c'est la créativité aussi. Okay. La liberté d'expression, hein. Ça, on en parle, on en a pas mal parlé, et c'est vraiment important. Est-ce que c'est par hasard que t'es au promenoir ce soir? Ou bien, est-ce que t'as vu mes affiches dans les rues? C'est plus Rosie and John, c'est seulement John and John. Et John, il va très bien, et John, il a besoin de rien. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir, si t'as payé pour voir ce soir. C'est pas plus mal qu'avant, c'est même plus dans le vent. Tu te souviens de ce pas, tiens? Tu n'y arrivais pas. Faut partir du pied droit, comme ça. Excusez-moi, messieurs, mesdames, c'est Rosie, c'était ma femme. Elle était dans mon numéro. C'était quoi? Un duo. On dansait comme personne. C'était nous, Rosie and John. Mais la vie. Depuis que t'es parti, ta maison a grandi, tu sais. Pour deux, c'était petit, mais pour moi, ça suffit, tu sais. J'ai appris la cuisine. Le sandwich aux sardines, c'est bon. Et je change de chemise. Oh, quand je change de chemise, pardon. Histoire de rigoler. Je suis pas privé, tu sais. Tiens, dimanche, avec Gaston, on a fait des cartons. Bon, bon, c'est bon. J'ai gagné plein de joujoux. Alors il m'a dit, toi, t'as une veine de coucou. Ce qu'il est rigolo, le salaud. Excusez-moi, messieurs, mesdames, c'est Rosie, c'était ma femme. Elle était dans le numéro. C'était quoi, un duo? On s'aimait comme personne. C'était bon, Rosie and John. Mais la vie, c'est la vie. Et la vie. Et c'est le timbre des le timbre de voix. Moi, je suis voix off aussi à mes heures. Il m'est arrivé de faire des voix off pour des documentaires sur Internet, etc. Okay. Donc voilà, je passe l'annonce. Hein, vous cherchez une voix off ouais, ça, oui. Pour des dessins animés, mais pour tu les sais documentaires. Tu sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui rament et qui font des voix off. Exactement, parce que c'est alimentaire, etc. Ouais, ouais, mais moi, ouais. Je trouve ça. Et puis, je sais pas, croquer le micro. Dire tout simplement. J'ai travaillé sur le Move à Radio France. Oui. Et ah oui. C'est un honneur quand même. C'est... On est resté. Je suis resté 4 mois. C'était de septembre 2000. Ah, t'étais stagiaire. Non, j'étais salarié. En fait, on a envoyé une maquette à la direction. C'était avec une équipe, avec Brice Ancel, Carole Zazam et Cyril Hitch, que j'avais connu sur Radio Campus Paris. Une très bonne radio aussi. Oui, je connais. Tu connais certainement. Ouais. Le fait. À l'université. Pardon ? Qui est greffé à l'université. Exactement, voilà, t'as plein de Radio Campus dans toute la France, à Nantes, à Angers, etc. Dans toutes les grandes villes. Et donc, le fait de dire « Il est 7h, vous êtes sur le Move, hein, les infos avec Philippe Randé, bonjour Philippe. » Voilà, le fait de dire ça, voilà, c'est... As-tu vu, ça, je suis contre. Je suis contre. Et contre quoi ? Contre le fait de dire l'heure et de faire ah oui. De la radio commerciale. Oui, là, c'est le fait... Oui, c'est... Il mentit sa météo. mais en même temps c'est pas grave, chacun son. Mais ça m'a fait triper quand même. L'idée de. Bah nous, tu sais. De jouer à la radio commerciale. Oui. C'est parce que c'est le fait d'être entendu par. C'est quand même trippant le fait d'être entendu par. Par plein de monde. En même temps. Mais attends, tu sais, je continuais, j'ai continué avec Talkie Walkie. Oui. Et avec Talkie Walkie, souvent sur Bloc TV, on avait notre émission le vendredi toute la nuit. Et on était premier dans. On était dans les radios les plus écoutées. C'était trippant, c'était un honneur. Et on n'était même pas payé. Il y a un grand penseur québécois qui dit là-dessus, c'est très tripatif. C'est? Tripatif. Tripatif. Tripatif. Oui, ça vient de trip, tripant. Ouais. Tripatif, c'est tripatif. D'accord. Bon, c'est bien. Non, c'est joli comme expression. Non, mais tripatif, oui. Tu sais, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est tripant. Qui est tripant, ouais. Voilà. Tripatif. Hein. Ouais. Je connaissais pas. Non, mais c'est un mot inventé par Jacques Languerin. Jean-Claude? Jacques Languerin. Jacques Languerin a fait l'émission la plus longue de la radio francophone. Combien de temps elle a duré? 34 ans. 34 ans? Oui. Ok. Qui est à Radio-Canada, la radio d'État. Ah oui, par je connais chemins, Radio-Canada. Par quatre chemins. Il s'est arrêté dû au fait qu'il est Alzheimer. Ah, dur. Ouais. Et dernièrement, il y a quelque chose qui est sorti, qui a souillé son image. Il y a un livre qui devait sortir qui s'appelait « Le cinquième chemin ». Histoire de répondre à quatre chemins. Je n'irai pas par quatre chemins, le cinquième chemin, ok, pas mal. Ouais. Et on a appris. Ça, c'était le bruit, l'info est sortie, mais ça a duré peut-être 2-3 jours où on sentait un peu la frénésie que cet homme-là aurait fait des actes sexuels sur un enfant. Ah oui. Ah ouais, ça c'est. Mais en ça, même c'est temps, hyper, c'est un intellectuel des plus exceptionnels. D'accord. C'est un gars qui il a été accusé d'attouchement sexuel. Pas accusé sexuelle, parce qu'il est Alzheimer actuellement, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais il voulait raconter pourquoi. Il a raconté pourquoi dans Le cinquième chemin. Mais le livre ne pourra jamais paraître puisqu'il ne peut plus accepter. Comment dire donc? C'est comme ma mère. Ma mère n'a plus le droit de prendre des décisions. Ok. Dû au fait qu'elle est Alzheimer. Eh oui, oui. De toute façon, quand t'as Alzheimer, c'est très dur comme maladie parce que moi, c'est ce qui me ferait le plus peur comme maladie d'ailleurs. Quand je serai vieux, je préfère avoir de l'arthrose, la cataracte. Oui, mais c'est sûr, mais quand ça vient du cerveau. Mais quand c'est la tête, oh là là. C'est triple démence et l'Alzheimer. Oui. Et donc, lui ne peut pas, faire des démarches pour que son livre sorte. Ah ben, puisqu'il est incapable. On est obligé de gérer à sa place. Et c'est ça. Donc, comme il n'a pas signé d'entente pour que, même si la maladie le grugeait, que le livre puisse sortir, ça, ils peuvent pas. Mais le livre va sortir quand même. Non, mais, il ne pourra jamais sortir. Personne ne peut s'en occuper à sa place. On appelle ça un tuteur. Oui, tout à fait. Ben, oui, c'est sous tutelle dans ces cas-là. Non, c'est ça, mais non, puisque c'est lui qui devait remplir ou écrire une lettre qui stipule que son livre, malgré vents et marées, doit sortir. Donc, ça fonctionnera pas. Sacrée histoire. Ouais. Ouais. Mais peut-être que sous le manteau, un peu comme Naked Lunch de Burroughs, ça va. Les gens vont pouvoir. Mais pour le moment, et ça a été la pierre angulaire de la radio. Ça a été l'homme, l'avant-gardiste au niveau théâtral. Ça a été. Tu regarderas Jacques Langueyrand, ça vaut la peine. Jean-Claude, alors je vais noter. Non, c'est pas Jean-Claude, c'est Jacques. Jacques. Langueyrand. Langueyrand. Je vais noter ça. Attends, je te pique ton stylo. Non, parce qu'il y en a plusieurs qui écrivent pas là. D'accord. Jacques Langueyrand. Jacques Langueyrand. L-A-N. Jacques, comme. L-A-N. Jacques, OK. Langueyrand. Ouais. L-A-N. G-U-R-A-N-D. Mais sur Gaga, ils vont te le dresser. J'ai par quatre chemins. Ah. Langueyrand. D'accord. Et c'est quatre chemins. Par quatre chemins. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont des précurseurs de la radio. Et heureusement que les routes ont été défrichées, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'on place des barrières. On place des barrières pour malheureusement placer la publicité à travers tout ça. Mmh. Parce que ce qui fait rouler la télévision, c'est pas les émissions, c'est la publicité. Exactement. Et donc, la radio, c'est la même chose. Et ce qui reste encore, c'est les radios universitaires, les radios associatives et les radios Internet. Exactement. Et encore là, les radios Internet, tu peux les écouter, mais uniquement sur Internet, tu peux pas. Ou les balados diffusés. Oui. Hein, les prendre sur Internet pour les placer dans ton MP3 et te promener en écoutant tes émissions. Mais l'avenir de la radio a toujours été fileuse. Mais elle perdure constamment. Grâce à Internet, t'imagines, tout est possible. Maintenant, n'importe qui peut créer sa radio, sa télé web. Et c'est de là aussi, ça qui est génial. Ouais, mais ça peut être navrant aussi. Mais ça peut être navrant aussi, parce qu'il y en a, sur Bloc TV, on a rencontré vraiment des bras cassés, quoi. C'était juste un pauvre mec ou une pauvre nana sur un canapé à picoler. On avait rencontré aussi, il s'appelait comment, Manu. Il était à hurler de rire, c'était un spectacle ce mec. Il aurait dû passer sur des émissions genre Confession Intime. Il chantait, en fait il adorait chanter. Et c'était genre le chanteur de salle de bain, comme on dit. Et on l'avait repéré sur Bloc TV, je crois qu'on l'avait eu sur l'émission Talkie Walkie. Et alors il passait son temps en fait sur Bloc TV, sur Bloc TV à chanter le registre de la chanson française. Mais il chantait comme un pied, comme un chausse-pied, il chantait comme une chaussette. Mais il y en a au Québec comme ça, drôle, mais ils ont drôle. Fait des albums, moi. Les gens que je connais et qui chantent comme ça, comme des chaussettes, comme tu dis. Mais le côté rigolo, il y a entre autres Madame Saint-Onge. Madame comment? Madame Saint-Onge, que tu peux avoir sur YouTube, qui reprend « Et maintenant ». Elle chante sur trois octaves. Elle peut modifier sa voix, elle peut commencer sur une première octave et monter sur la troisième et peuvent devenir sur la deuxième. Madame Saint-Onge. Saint-Onge. Saint-Onge. Veux-tu que je te l'écrive? Ouais, si tu veux. Ouais, je veux bien. Hop. Écris-moi. Et tu écouteras « Et maintenant » de Ben, note-moi tout ça. Note-moi, oh oui, « Et maintenant ». Ah oui, « Et maintenant » que, oui, Gilbert Bécaud. Que dois-je faire? Mais là, c'est Madame Saint-Onge. « Et maintenant ». C'est bon, c'est bon, c'est triple. C'est très facile. Et Manu, des fois, alors Manu, il reprenait notamment Daniel Balavoine, ce qui n'est pas évident. Ouais. Et imagine, avec une voix du genre, lui, ça partait dans aucun octave, ça partait dans du Gustave ou dans du... Et comment il s'appelle? Attends un peu. Et donc Manu, ça donnait, toi, aimer, plus fort que d'être aimé. Il avait toujours cette voix linéaire comme ça. Je me présente, je m'appelle Henri. Il portait toujours, il avait une moustache, il portait un espèce de chapeau de cow-boy. Mais peut-être que c'était un rôle qui se créait et puis que c'était pas. Peut-être, mais je pense pas. Mais il y avait un côté, d'un côté, on va dire pathétique, il y a quelque chose d'attachant des fois. Et c'était, voilà, c'était amusant. C'était un. Est-ce que tu connais le Normal Amour? Non. Non, ok, voilà, tout ça. Normand Lamour, oui. Ok, Madame Saint-Onge. Normand Lamour, c'est un homme qui a fait à peu près 200 cassettes. à l'époque des cassettes. À l'époque des cassettes audio, ouais. Et après ça, il y a un producteur totalement ému par ce qu'il faisait, parce que le côté kitsch, il a décidé de l'endisquer et de prendre de ses 3000 chansons, d'en descendre 12 sur un album. Et ça a donné un être qui joue du clavier et dit que son inspiration, c'est Dieu. Donc, son plus grand succès, c'est La Poignée de Porte. Tu regarderas La Poignée de Porte. La Poignée de Porte, d'accord. Oui. C'est pas mal ça. Ah oui, mais oui, écoute, on a comme ça des... Et après, ce sera quoi, le rideau de douche, la poignée de porte? Non, mais là, il n'y a plus rien. La serrure, il est décédé. D'accord. Mais il y a des... Il a franchi la porte, voilà. Ouais, la porte ultime. Il y a des bonnes dames paroissiennes qui prennent plaisir à cobler de pauvres péripatéticiennes entre deux grains de chapelet. À ces fanatiques de Jésus, à ces empêchés de l'étreinte, j'ainsi soit-il ma pogne au cul et ce refrain de ma complainte. Et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. Le cœur au chaud dans ses pantoufles, Monsieur Dupont français moyen, devant sa télé rote et bouffe, dans sa de chevaux refait Verdun. À ce minable, à ce convaincu, à ce partisan de la crainte, je revisionne ma botte au cul et ce refrain de ma complainte. Et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. Je ne savais pas pour faire mes chansons et les chanter tout simplement. Fallait intéresser les patrons à l'entreprise, évidemment. Cheval putain ou bien l'artiste, sous-éditeur ou sous Macron, faut galoper sur toutes les pistes pour le picotin des barbeaux. Car et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. Quand viendra l'heure de mon salut, si j'ai la trouille du labyrinthe, je ferai voir une dernière fois mon cul en chantant l'ultime complainte. Et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. En fait, quand je t'ai rappelé notre rendez-vous tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que tu veux jamais un papier? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu veux lire ce que tu m'as apporté? Eh bien, oui, j'ai prévu une petite chronique. Est-ce que c'est politique? Oui. OK. Mais, Est-ce que c'est international ou... C'est internet, oui. Okay. Certains moments sont. Oui, c'est, on va dire, et, ça peut parler à tout le monde. Alors, par exemple, là, j'ai une. Là, je suis passé sur une émission hier qui est pas mal du tout, là, une radio qui s'appelle RTSF 93. À quel endroit? C'est à, ils sont à Saint-Denis. Ok. Et, c'est une radio libre? C'est une radio libre aussi. Mais c'est pas internet, là, une radio libre. C'est pas une radio internet. Si. C'est une radio internet. Ok, c'est pas sur les ondes. Non, pas du tout, c'est pas sur Bande FM. Ah. Et l'émission s'appelle Les Flingueurs de Tonton, c'est un talk show. Avec animé par Tonton, un gars que je connais depuis quelques années, qui est dans le milieu cabaret, musical aussi, et qui est un gros déconneur. Hein. Ce mec, il a 50 ans, mais il a 10 ans d'âge mental. Okay. Et donc je vais officier tous les lundis dans son émission. Ah, okay. Voilà. À quelle heure? C'est de 21h à 22h30. Ok. Voilà. Donc t'as de la musique, mais, c'est bien le soir, hein. C'est un moment privilégié pour faire de la radio. Oui. Alors écoute, j'ai prévu une petite bafouille. Oui. Donc Aymeric de Guy, c'est aussi le charognard de l'info. Oui. Et donc c'est une rubrique Science Pot Pourri. Voilà, Science Pot Pourri. Oui, oui, oui, oui. Un bilan un petit peu de cette année obscure, mais bon, la vie est belle quand même. Français, française, québécois, québécoise. Gauche caviar, gauchiste contrarié et contrariant de plus en plus nombreux, extrême droite couscous au lardon, islamophobe salade tomate oignon, antisémite sans prépuce, juif adepte du Shabbat Shabbit, catholique qui baise sans capote car Dieu lui en préservatif, en latin urbi, tourbi et lubrifi. Je suis Aymeric Deguy et je vends le dernier neurone de Nadine Morano sur leboncoin.fr et je lis Charlie Hebdo les yeux tournés vers la Mecque. Rubrique Sciences Po Pourrie, dépôt de bilan 2015-2016. 13 novembre 2015, ambiance explosive au Stade de France. Qui ne saute pas n'est pas Daesh. Boum. Et du côté de l'équipe adverse, Daesh, Daesh, on t'incule. Bienvenue en France dans tous ces états d'urgence où pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Bienvenue en France, pays de liberté non indemnisée, d'austérité normalisée et de précarité banalisée. Car la dictature déguisée à la française consiste à réussir un cueillit anal avec une vaseline de premier choix, la marque 49.3. Bienvenue en France dont le destin s'est joué le temps d'une douche en mai 2011 dans un hôtel Sofitel à New York. En plus clair, DSK aurait pu avoir la France pendant 5 ans, il a eu la Gaule 5 minutes. On connaît maintenant le délit sexuel le plus coûteux au monde, la fellation monétaire internationale cotée en deux bourses. On aurait pu avoir une paire de burnes à la tête de l'Elysée, à la place on a le père Dodu. Et qui remplace Joe Dalton, le petit nain surexcité en Rolex. Duralex, Rolex, en latin, républicain. 2007 au Phuket, 2012 au Flunch. Sans les légumes à volonté, Jacques Chirac disait manger des pommes, François Hollande nous a laissé les trognons. Socialisme toujours, si l'on devrait redéfinir politiquement parlant une bonne vieille expression française dans ce cas-là, être socialiste c'est suicidaire, d'où l'expression « passer l'arme à gauche ». PS, priorité au suicide. Hollande aura tenu sa promesse sur l'emploi avec humour, chose promise, chôme due. Il descend dans les sondages, il descend dans les sondages, il descend dans les sondages en scooter, poète, poète. Petite news insolite maintenant, Emmanuel Macron a créé cette année son parti politique En Marche. Moi j'ai créé le parti adverse, Croche-Patte. Quel est l'hymne de ce parti En Marche ? En marche quand je recule, comment veux-tu que je t'encule ? On est bien avancé avec En Marche. On passe à la droite, une petite devinette rénale. D'après toi, quelle est la différence entre la droite complexée et la droite décomplexée ? Alors, c'est la droite. Alors malheureusement, c'est une vanne visuelle, mais... Il va falloir que tu dises quelque chose. Il va falloir que j'explique. La droite complexée, c'est Sarkozy qui fait le mouvement de l'épaule, le tic de l'épaule. Et la droite décomplexée, c'est un tic un peu plus dur. C'est Hortefeux, Guéant, Copé qui font le salut hitlérien. Sarkozy a tellement de casseroles au cul que j'ai trouvé un slogan pour sa campagne en 2017. La France, tu l'aimes ou tu m'acquittes. La devise des Républicains, un pour tous, tous mis en examen. Ouais, pour tous et tous pourris, ça c'est de Coluche. Coluche, exactement. Et dans le milieu des émissions télé-réalité, c'est une pour toutes, toutes poufiasses. Ah bah oui. Et chez les mecs, un pour tous, tous bourrins. On passe à un peu de cul. Parler cul, hein. Oui, puis ça fait du bien. Ça. Avec Europe Écologie, un peu d'humour mal placé comme Jean-Vincent, c'est un parti qui n'a pas que des vers, mais des pervers. Denis Baupin a été accusé d'agression sexuelle et harcèlement, et sachez qu'il va de voile à vapeur. Denis Baupin m'a harcelé, j'ai gardé un échange de texto entre lui et moi. Oui. Attention, c'est okay, assez... C'est bio-perversité. Aymeric Deguy, j'ai la banane bio flambée. J'ai mes deux grosses pastèques sans pesticides toutes gonflées. Dans mon caleçon, c'est pas un radis noir, mais un gros boudin blanc. Alors, particules fines ou parties fines ? Moi, je lui réponds, mais gros dégueulasse, pense à ta femme Emmanuel Cosse. Il me répond, si je l'ai épousée, c'est parce que j'ai un faible pour la défense des baleines. Alors là, contrairement à sa femme, il risque un cumul des mandales. Souhaitons-leur en 2017 un meilleur score qu'en 2012, où Eva Joly s'était un peu trop inspirée du CID. Nous partîmes 500 électeurs et nous nous vîmes 5 pandas en arrivant aux urnes. C'est plus Eva Joly, c'est évanoui. Le communisme, ça existe encore en France. Hein. Bon, avec Poutou et Nathalie Arthaud, c'est un petit peu des sous-doués passe le bac Sciences Po. Voilà, on refait le monde avec une sangria cégétiste à la fête de l'humain. Nous avons la valeur sûre, la démagogie hargneuse. Marx attaque. Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai crié, crié, et Staline, pour qu'il revienne. Et j'ai chié, chié, et sur Marine, Marine Le Pen. À propos de caca, justement, le Front National. Après la guerre familiale entre Jean-Marie et Marine, c'est finalement Marion qui incarne avec brio la génération 3.0 du clan Le Pen pour lutter contre le clandestin. Le FN veut mettre au goût du jour une eau minérale gazeuse des années 40, je cite... Le maréchal Pétain Boileau de Vichy et Pierre Laval. Le Front National, c'est avant tout des guignols. Mets les mains comme ça, lève les mains avec moi, on y va. Ainsi front, front, front, national marionnette. Ainsi front, front, front, deux petits tours et puis s'en vont. Donc, le Front National, oui, Marion Maréchal a eu un bébé. Oui. On ne sait pas, mais là, on vient de savoir. Elle a eu un bébé il y a à peu près un an. Okay. J'entendais déjà le premier cri, moi. Oui. Et Maréchal, me voilà. Marine, Océane, hein, c'est le nom de la petite fille. Hein. C'est des noms aquatiques. Est-ce un hommage aux migrants noyés? Quoi qu'il en soit, et c'est malheureux, the Shoah must go on. Pour conclure, en 2017, nous allons devoir voter, mais rappelle-toi, Rénal, et là je m'adresse à tous les pays du monde, on est en, nous on est en France, oui. Et le problème de la France. Tu sais pourquoi le français mange sa soupe avec une pelle? Parce qu'il a une trop grande gueule. Ah, oui. Et quelle est la différence entre un urinoir et un isoloir? L'urinoir, on pisse dans une cuvette, et l'isoloir, on pisse dans un violon. Oh. À très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Oh yeah. En tout cas, mais en fait, tu vois, dans la vague des humoristes de Didier Porte et ces gens-là, c'est dans le même créneau. C'est... Didier Porte, que je connais un petit peu d'ailleurs, qui est très gentil. Ouais. Ça fait bien longtemps, il a été longtemps sur Inter, il a été d'ailleurs viré du... Ouais, des Fous du Roi, exactement. Ouais. Et on l'avait, à une époque, il faisait sa chronique, qu'il fait toujours sur RTL. Oui, il est sur RTL, ouais. Mais il est aussi sur Mediapart. Sa chronique s'appelle Mediapart. Et à une époque, il la faisait dans un bar, dans un petit bar à Bastille. Et je suis allé le voir, parce que c'était public, et je lui ai proposé de venir à l'émission Talkie Walkie. Il n'a pas pu se déplacer, mais on l'a eu au téléphone. Ok, ah, c'est bien. Et j'ai fait une petite chronique, un peu l'élève qui remercie son maître, parce que c'est vrai que c'est un de ces gars comme Guillon, comme Gaspard Proust, qui m'ont donné envie d'être chroniqueur. Mais ces gens-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont versé vers le one-man show. Ouais. Prévois-tu éventuellement, toi aussi, faire un genre de Eh bien, avant de faire de la radio, j'ai fait pas mal de scènes ouvertes. J'ai fait du théâtre, mais j'ai fait aussi pas mal de scènes ouvertes où j'arrivais avec mon papier et j'étais en mode chroniqueur sur scène. Et c'est après où j'ai rencontré l'équipe de Talkie Walkie. Mais je continue toujours à faire des petits plateaux. Des fois, je suis animateur de plateau. Okay. Ça, j'aime bien. Okay. J'aime un peu plus la radio que la scène. J'aurais pu aussi me lancer dans un one man, mais ça ne me correspond pas plus que ça. Et j'ai fait des petits showcases, ça m'est arrivé. Mais non, je n'ai pas envie de m'embêter avec un one man, de travailler là-dessus. Non, j'aime un peu plus la radio. Mais es-tu aussi en mode improvisation? Aimes-tu l'improvisation si tu veux que ce soit écrit? Tu te sens mal à l'aise vis-à-vis de l'impro? Je suis plus... Alors ça dépend des contextes. Moi, quand je fais de la radio, ben, automatiquement, je fais ce qu'on appelle du snipe. Ouais. Et le sniper, c'est un peu... Ouais, il va te sortir des vannes soit préparées, mais on dirait qu'elles sont sorties d'un coup, mais improvisées. Non, je peux aimer... Ben, tu sais, dans la libre antenne, quand tu fais une libre antenne comme Talkie Walkie, par exemple, ou même celle que je fais actuellement, Les Flingueurs de Tonton, ou mon émission Les Charognards de l'Info, il peut y avoir de l'improvisation, mais la libre antenne c'est souvent une grosse part d'impro puisqu'on est en interaction avec des auditeurs qui défilent. Les gens qui sont là sur le plateau. Oui. Exactement, et on peut des fois improviser même des sketchs, des délires comme ça qui vont nous sur. C'est de là l'intérêt aussi, c'est de là l'intérêt. C'est ça qui est génial, c'est ça que j'aime dans la radio aussi. Ben oui, contrairement à la télévision. Des vannes magiques que tu vas trouver juste avant que tu termines ta chronique. Juste avant l'émission, parce que souvent tu fais ta chronique dans la journée et le soir, bam, l'émission et tu balances. Et des fois, quand tu la retravailles, tu vas trouver mais ça c'est pas mal, tiens, je vais le noter. Et ça, c'est en radio, c'est génial. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique? C'est l'accent britannique. Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes? C'est que je suis gamine. Dis, Birkin, pourquoi tu cites, tu sexes et puis tu sonnes dès que le mois d'août sera dîne? C'est que je suis caline. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimballes depuis 169? C'est que je suis radine. Je m'appelle Jenny, je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan.